31. Expérimentation culturelle. Lu par François Schnell. Expérimentation culturelle. Le succès de Creative Commons se manifeste très vite. Des milliers de gens adoptent la formule. Des internautes, bien sûr, désireux d'alimenter un fonds commun de ressources en libre accès, permettant à d'autres de créer à partir de leur travail. Mais aussi, beaucoup d'artistes qui voient un moyen de se faire connaître, d'entamer ou de poursuivre une relation de confiance avec leur public. C'est le cas de Roger McGuinn, le leader du groupe folk The Birds, qui avait pris pour habitude depuis 1995 de mettre en ligne, gratuitement, une de ses chansons chaque mois. Elles sont désormais couvertes par la CC, librement copiables et diffusables, à condition de ne pas les vendre et de ne pas les altérer. Une manière, dit-il, de poursuivre la tradition du folk, qui est de raconter des histoires et de chanter des chansons transmises de génération en génération par le bouche à oreille. D'autres expérimentent des formes de distribution électronique de la culture. À rebours de la politique de verrou dont les majors du disque et les éditeurs sont coutumiers, cherchant des moyens de concilier libre accès et revenus. Le label musical de Berkeley, Magnatune, propose des chansons de tout style, librement copiables et diffusables. En parallèle, le site vend des disques d'une qualité supérieure d'enregistrement. L'auteur de science-fiction Cory Doctorow s'est essayé au même couplage. Son livre, Down and Out in the Magic Kingdom, est disponible en téléchargement gratuit et distribué en librairie par l'éditeur Tor Books. Il peut s'en féliciter, car le livre a été téléchargé par plusieurs dizaines de milliers de lecteurs. Il en a vendu plus de 50 000 exemplaires, sans compter l'édition de poche sortie en décembre 2003. Ce roman suivant, Eastern Standard Tribe, est distribué de la même façon. Cela a tellement bien fonctionné, pour le premier, que j'aurais été fou de ne pas rééditer l'expérience pour le second, commente-t-il. Plus original, le réalisateur Brian Fleming a utilisé la CC pour son film Nothing So Strange, basé sur une histoire mettant en scène l'assassinat de Bill Gates. Son Final Cut est classiquement couvert par le copyright, mais les extraits et les rushs sont distribués à qui désire remonter sa propre version du film. Diffusé à l'origine via Internet et projeté dans des festivals indépendants, Nothing So Strange a été édité en DVD début 2004, et plusieurs apprentis réalisateurs se sont emparés des rushs pour en proposer leur propre mouture. Je cite Brian Fleming. Nous entrons dans un nouveau monde numérique, où il sera aussi facile, pour le consommateur moyen, de jouer avec tout film qu'il aura acheté, que ça l'est aujourd'hui, pour n'importe lequel d'entre nous, de jouer avec un texte. Les grandes entreprises de médias dépensent des milliards pour combattre ces évolutions, preuve qu'elles sont clairement effrayées par cet avenir. Mais nous avons choisi de l'étreindre. Fin de citation.